Vacarme avec votre magazine L'Illustré. Merci d'être fidèle à la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Bonne écoute. Alors, tout le monde est en place. Moteur. Cinéma. Jean Leclerc. Cinéma. Et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. On avait rarement vu autant de vedettes au mètre carré. Mais j'avais l'occasion d'être assis dans le noir et de fixer l'écran toute la journée. Le cinéma est un agent de l'histoire. Histoire vivante, cette semaine, il était une fois dans l'Ouest. Attention où vous mettez les pieds. Des pionniers à l'industrie. Et ces lumières qui, en une nuit d'insomnie, a trouvé le système idéal de la traction de la pellicule pour faire la synthèse du mouvement. Et ce fut le cinématographe. Le cinéma américain. America for America. The government must not interfere with business. Aujourd'hui, dans les environs de l'Hainaut, le 4x4 a remplacé le cheval. Looking at the new waitress. Et si vous deviez choisir, vous seriez plutôt John Wayne ou James Stewart? Titre de l'épisode du jour, la guerre des brevets. Fin du 19e siècle, on s'y est déjà accoutumé. En Europe, en Amérique, on s'accoutume, jour après jour, au rythme étonnant des découvertes nouvelles qui rendent la vie plus belle. On parle de magie blanche. On ignore comment ça marche, mais on vit dans la certitude de connaître la plus grande époque de l'histoire. L'époque des inventeurs. Le progrès technique loge dans de multiples petits ateliers. Garages, granges, remises transformées en laboratoires. En Europe comme en Amérique, on travaille à animer les images. La photographie a déjà fait d'immenses progrès depuis son début, il y a 50 ans. Mais comment aller plus loin? Comment donner la vie aux photos? C'est déjà à l'époque où les esprits sont comme reliés, où les idées se communiquent comme par télépathie à travers la planète. Dès qu'un inventeur parvient à contourner un obstacle, sa réussite fouette l'imagination d'une dizaine d'autres expérimentateurs. Dès les années 1880, la photo a atteint une sorte de plénitude. Elle a la couleur, elle est instantanée, elle a du relief, il lui manque pourtant encore quelque chose. Elle ne bouge pas, elle ne ressuscite pas le mouvement. Et pourtant, il y a déjà un certain nombre de chercheurs qui commencent à travailler sur ce problème du mouvement photographique. Pouvez-vous nous donner un aperçu des travaux des hommes qui s'occupent de ce mouvement photographique? Paul Génard, historien de la photo, au micro de Denis Derrien. À vrai dire, ces hommes n'ont pas recherché le mouvement. Les hommes dont vous parlez étaient des techniciens, étaient des médecins comme Marais, et qui, au moment où la photographie s'est perfectionnée, au moment où les instantanés pouvaient être très rapides, ont eu l'idée d'utiliser cette propriété de la photographie, et la photographie tout court, pour servir leurs recherches scientifiques. Marais, par exemple, voulait savoir comment s'effectuaient des mouvements très rapides, comment un chat que l'on lâchait d'un étage retombait toujours sur ses pattes. Alors, ils ont eu l'idée de prendre des successions de photographies extrêmement rapides pour analyser le mouvement. Mais il n'était pas du tout question encore de reproduire ce mouvement, c'est-à-dire d'en faire la synthèse. Et simultanément, aux États-Unis, avec Maybridge, en France, avec Marais et Demny, on a fait des photographies de tout ce qui bougeait, aussi bien les hommes et les animaux. Maybridge utilisait une succession de chambres qui étaient déclenchées les unes après les autres, tandis que Marais utilisait un appareil unique, sur plaque d'abord, et ensuite avec une pellicule qui se déplaçait. Demny a fait un chronophotographe, dont la pellicule se déplaçait chaque fois d'une image, à chaque prise de vue, mais il n'a jamais été question de faire la synthèse de ce mouvement. Pour les travaux de Maybridge, par exemple, il a travaillé, je crois, sur les chevaux. Oui, on a parlé du fameux Paris de San Francisco. Et Maybridge, quand ces photos ont été développées, il les a centrées dans une espèce de praxinoscope pour montrer que ces mouvements qui paraissaient invraisemblables étaient réellement ceux d'un cheval au galop, par exemple. Et cette expérience a été très importante pour les peintres qui peignaient les chevaux en course, des peintres de bataille par exemple, et qui s'étaient aperçus que toutes les peintures qu'ils avaient faites des chevaux étaient fausses. Il a fallu donc l'expérience de Maybridge pour se rendre compte que le cheval avait des attitudes insoupçonnées, que par moments il était sur un seul sabot alors que tous les autres étaient en l'air, ce que les peintres ne pensaient pas. Et Marais ? Eh bien Marais, lui, était médecin et il s'est surtout occupé des mouvements de l'homme. Des animaux, bien sûr, aussi, puisqu'il avait fait un fusil chronophotographique pour étudier le vol des oiseaux. Mais je crois qu'il s'est principalement employé à montrer comment se déplaçaient les hommes au pas, à la course, pour compléter ses études anatomiques de médecin. Comment fonctionnait ce fameux fusil de Marais ? Oh, c'était une plaque qui tournait et qui s'arrêtait chaque fois quand l'obturateur se déclenchait pour prendre une photo. Il y avait donc un ressort qui faisait pivoter cette plaque de chaque fois de la valeur d'une image. Et Denny, son chronophotographe ? Alors Denny avait fait un chronophotographe qu'il appelait le portrait vivant. C'était pour prendre une vue des vues successives d'une personne, par exemple, qui était en train de parler, en train de sourire ou de faire certains gestes. Et il pouvait, en découpant ces photographies et en les centrant sur un disque de verre, par exemple, faire une synthèse. Il l'a faite dans le phonoscope en disant une phrase « Je vous aime ». Et cette phrase était parfaitement reconnue des sourds-muets qui savaient lire sur le mouvement des lèvres au moment où l'on faisait cette synthèse du mouvement. Ces trois hommes et bien d'autres étaient les héritiers de tous ceux qui avaient cherché à rendre le mouvement par l'image, mais qui n'était pas encore une image photographique. Et ils ont ouvert la voie à une nouvelle technique, la technique cinématographique. Pourtant, il y a une grande différence entre l'analyse du mouvement par la photographie et la synthèse du mouvement telle que nous le donnera le cinéma. Oui, parce que les savants qui avaient fait de la chronophotographie ne cherchaient qu'à analyser un mouvement rapide, et ils voulaient savoir comment une balle de fusil, par exemple, perforait une planche ou cassait une ampoule. Tandis que des savants comme Lumière, eux, ont eu l'idée de faire l'analyse du mouvement, ils étaient bien obligés, mais immédiatement et facilement de pouvoir en faire une synthèse. Donc l'idée de cette synthèse était dans l'air après les travaux de ceux qui avaient fait de la chronophotographie. Et c'est Lumière qui, en une nuit d'insomnie, a trouvé le système idéal pour de la traction de la pellicule pour faire la synthèse du mouvement. Et ce fut le cinématographe. En Amérique, on préfère attribuer les inventions aux individus plutôt qu'à des groupes. En Amérique, c'est le nom de Thomas Alva Edison. Il est déjà tellement loin. L'ampoule électrique, le phonographe. De là à franchir la distance qui sépare l'image animée. Sauf qu'Edison ne montre, en l'occurrence, aucun intérêt pour celle-ci. Il la considère comme un jouet. Il lui préfère, et de loin, le phonographe. En revanche, les Européens sont là, inventeurs endiablés, qui menacent sa réputation de précurseur. En 1889, Il trace son territoire. J'espère parvenir par une invention à projeter sur une toile une image parfaite de qui que ce soit et à reproduire ses paroles. Ainsi, si Adelina Patti chante en un lieu quelconque, cette invention mettra sur la toile son image en grandeur naturelle, si parfaitement que l'on pourra distinguer chaque trait et chaque expression de son visage, voir tous ses gestes et écouter la mélodie enchanteresse de son incomparable voix. J'ai déjà perfectionné l'invention au point de pouvoir représenter un match de boxe. Les deux hommes, le ring, les visages tendus de ceux qui les entourent, et l'on peut entendre le son des coups. Coup de bluff, coup de menton, annonce en fanfare, c'est bien le lot de l'histoire du cinéma. Une anthologie du mensonge dont la presse se fait le relais, multipliant les suppositions, les rumeurs, les inexactitudes. Puisque Edison semble avoir inventé tout le reste, il est logique d'ajouter cette nouvelle réussite à son palmarès. On n'attend plus que les nouvelles révélations. Vivante. Cette semaine, il était une fois dans l'Ouest. Des pionniers à l'industrie, le cinéma américain. Edison est en Europe. Il est venu rencontrer le grand chercheur Étienne Jules Marais. Celui-ci n'a de cesse, jour après jour, de perfectionner sa maîtrise de l'image animée. Et Edison est estomaqué. Il pensait jusqu'ici à l'utilisation du cylindre, comme il en avait été pour le phonographe. Au lieu de cela, le Français lui montre un film photographique sur papier. Surprise complète. Mais Edison bénéficie d'un charisme unique dans l'univers des chercheurs. De partout, on lui écrit, on lui télégraphie directement à son laboratoire. Des inventeurs qui le mettent au courant de l'état de leurs propres recherches et espèrent, qui sait, faire un jour partie du sérail. William Fries Green est de cela. Inventeur britannique, il s'est fait connaître en faisant paraître un article sur l'état de ses travaux dans le magazine Photography News du 28 février 1890. Il a déposé son brevet, il est donc à l'abri. Ce qu'il cherche à présent, tout simplement du travail. Edison renouvelle constamment son équipe d'assistants. Fritz Green lui fait sa demande d'emploi, accompagnée d'un résumé de son travail. Edison récupérera bien le travail de Green, mais il délaissera l'employé. 3 ans plus tard, Edison peut annoncer la naissance du kinétoscope, le premier appareil à sous utilisant un film en boucle. Comme le phonographe, le kinétoscope tient dans une boîte. On met un sou dans une fente et une image grosse comme un timbre poste apparaît. Edison n'a pas inventé le cinéma, mais son industrialisation. Edison n'a même pas semblé ému par la présentation du kinétoscope. Il lui paraît noyé au milieu de centaines d'inventions dans lesquelles il s'immerge quotidiennement. Aussitôt inventé, aussitôt oublié. Il lui préfère de loin ces phonograph parlors vers lesquels on se rue de partout pour arriver à temps à la projection. Edison est partisan de ces machines en boîte et surtout de la projection individuelle. Il a un sens aigu de la rentabilité. S'il lui arrivait de mettre au point la projection collective, à l'évidence, il y perdrait. Il tuerait la poule aux œufs d'or. Mais comment garder secret un projet dont tout le monde rêve ? Avril 1896, New York, Coster and Beale's Music Hall. Edison est sur scène. Il présente son Vitascope. L'appareil est un projecteur dont l'inventeur est Thomas Arnatt, qui est ce soir-là en coulisses pour faire fonctionner le dit appareil. Pour l'un, la technique, pour l'autre, la gloire. La presse s'échauffe. Le New York Times parle d'un brouhaha inouï au moment de l'extinction des lumières de la salle. Le New York Dramatic Mirror rapporte que le premier tableau montré fut celui des Sœurs Lake dans leur danse à l'ombrelle. L'effet était le même que si les demoiselles s'étaient tenues sur scène. Tout le monde pouvait voir leur sourire, leur jeu de jambes, leur révérence. Le second tableau représentait des vagues s'écrasant sur le rivage. L'une après l'autre, les vagues venaient échouer dans le sable, et en le touchant, se brisaient en petits ruisselets, exactement comme dans la réalité. Certains des spectateurs des premiers rangs semblaient inquiets de se faire mouiller et cherchaient autour d'eux où ils pourraient se réfugier si les vagues se rapprochaient trop. Ces soirées de première projection ont beau être enthousiasmantes, certains ne cachent pas leur impatience. Les batteleurs de rue comprennent qu'avec ce nouvel outillage, ils vont pouvoir appâter le badaud. C'est bientôt la razzia, on se rue sur les appareils de projection. On les installe dans l'arrière des boutiques. Le public accourt pour assister à la projection. Ça commence ainsi, derrière des parois installées à la va-vite, dans des arrière-boutiques de petits commerçants. Il y a un étrange climat dans l'air. Voilà à peine 10 ans qu'un auteur anglais, Robert Louis Stevenson, vient de rapporter l'enquête d'un avocat répondant au nom de Charles Utterson et aux liens troubles qui unissent un médecin estimé de Londres, un certain Dr. Jekyll, à un inquiétant personnage. Une première adaptation cinématographique, il y en aura des dizaines, déjà en muet, sera réalisée en 1913 par Carl Lemmel. 1946, Victor Fleming récidive, bande-annonce. Good and evil are so close as to be chained together in the soul. Why, Dr. Jekyll? Hopelessly insane. This is pure balderdash. You're dealing with things it would be better not to mention for your own sake. There might be trouble. Retour aux premières années du XXe siècle. Cette aube a un parfum de destruction. La cible, ce sont les trusts, ces groupes de compagnies qui, au mépris des règles du jeu, choisissant l'intérêt, ont ni plus ni moins pactisé. Elles défient la loi. Elles méprisent l'accord antitrust Chairman et le Clayton Act. La libre entreprise est synonyme d'extorsion. On montre du doigt les géants qui veulent étrangler la concurrence. On dénonce les nababs comme le roi du pétrole, John D. Rockefeller. Et ceci avec d'autant plus de virulence qu'il y a derrière tout cela un parfum d'impunité. Les conglomérats s'effondrent peut-être, mais leur maître échappe invariablement aux peines de prison qu'on annonce à grand renfort de publicité. Aussitôt oubliés par la justice, ils retournent à leur unique obsession, la construction de leur empire. Un terrain où tous les coups sont permis. Les réflexes acquis du temps pas si éloigné de la ruée vers l'or sont encore dans les esprits et dans les nerfs. Ici, on se bat pour survivre. Drôle de guerre que celle des brevets. Edison est un homme qui ne néglige rien et pourtant, il a oublié de déposer ses brevets à l'étranger, oublié ou peut-être tout simplement ignoré. La dépense n'en valait pas la peine. Aussi, les affaires du cinéma peuvent-elles prospérer bien tranquillement en Europe sans crainte des représailles. Juste retour de balancier, Edison avait su mettre à son profit le talent britannique. Des représailles, il y en a justement tous les jours en Amérique. Du matériel de haute qualité a fait son apparition. Les fabricants américains, eux non plus, n'ont pas tenu compte des brevets d'Edison. Ils l'ont copié à tour de bras. Ceci, malgré les sommations répétées. Mais une attaque frontale peut se révéler complexe. Edison a presque tout inventé, sauf la pellicule. Le brevet appartient à George Eastman et ses fameux Kodak. Il ne reste à Edison que la périphérie de la pellicule, les perforations. La pellicule ne peut se dérouler régulièrement sans perforation. Il faudra donc s'en contenter. Car tout autour, c'est bien le temps des copies, c'est bien le temps des inventions concurrentes. Il y a les flicker books, des carnets qu'on feuillette. Il y a le mutoscope, une ingénieuse caméra qui utilise une pellicule non perforée et qui poinçonne des trous pendant l'enregistrement. Petit inconvénient du mutoscope, les minuscules carrés de pellicule se déversent sur le sol par un tuyau qui s'ajoute au bruit de la manivelle à main. Le confort acoustique du mutoscope est des plus rustiques. Les avocats du groupe Edison peuvent bien engager des procédures contre d'autres groupes déloyaux, ils ne peuvent rien contre l'extravagante quantité produite par les petits entrepreneurs. S'ajoutent à eux les fabricants qui ne fabriquent pas, mais qui empruntent le matériel. Il y a également les fabricants qui ne fabriquent pas, mais qui le volent. Et puis enfin, il y a ceux qui ne fabriquent rien du tout et qui copient avant de lancer sur le marché. Face à Edison, on trouve un très grand groupe, Biograph. Ce sont les inventeurs du mutoscope, l'appareil bruyant. C'est également un studio avec réalisateurs, acteurs, tous sont en train de découvrir le métier. Parmi eux, un apprenti comédien, D.W. Griffith, qui va bientôt régner en maître absolu de la mise en scène, signant des films hors normes par les moyens, hors normes par les durées. Naissance d'une nation, intolérance. L'un des représentants bancaires de Biograph se nomme Jeremiah Kennedy. Il propose une trêve à Edison, une mise en commun des brevets. Que peut faire Edison ? Les tribunaux continuent d'autoriser la caméra Biograph, il accepte. 9 septembre 1908, c'est la naissance de la Motion Picture Patents Company. Edison et Biograph en sont les seuls actionnaires. Le bruit se répand, on veut se joindre au groupe, des brevets en échange de parts et de licences. Le kinétoscope d'Edison est reconnu, on lui verse des droits pour avoir l'autorisation de l'exploiter. Il en sort un commentaire de Thomas Edison en 1891. J'ai 500 brevets, pas un seul n'a jamais été protégé. Frais légaux, $600,000. Les brevets ont cessé de donner la moindre protection dans ce pays. Cela revient meilleur marché de les voler. Edison fait quelques demandes concernant des mécanismes d'animation des images, mais d'autres pionniers sont déjà passés par là. Ils ont inventé avant lui. Une seule demande, enregistrée sous le numéro 589-168, va lui donner un pouvoir déterminant. Le pouvoir d'écraser les petits commerçants, ceux qu'on appelle les indépendants. Autre remarque d'Edison. Vous savez ce que j'appelle une bonne invention ? Quelque chose de tellement pratique que même un petit juif polonais l'achèterait. Il s'agit bien désormais de tenir la racaille des immigrants à l'écart de la nouvelle industrie. Les indépendants se heurtent à un blocus. Eastman Kodak ne vend de pellicules qu'à leurs adversaires. La compagnie d'Edison impose une taxe de licence. Elle s'élève à $2 par semaine. Elle rapporte ainsi $1 million par an à la compagnie. Les indépendants n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils protestent. La compagnie viole la loi. Ses arguments juridiques sont fondés sur des prétentions frauduleuses. Qu'importe, la force est le seul argument. 1910, les indépendants se donnent rendez-vous. Ils se retrouvent dans les murs même de la compagnie d'Edison, foudrage. Ils dénoncent le trust dans sa forme la plus arrogante. Mais le terrain commun a été fondé sur la protection des brevets. Tout le monde a signé. Les apparences légales sont sauves. Reste aux indépendants à se serrer les coudes, faire des films, les louer aux prix les plus élevés possibles et espérer des bénéfices. Quant à Edison, lui, il va poursuivre son ambitieuse progression. Rendez-vous demain pour la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « Coup tordu ». That's my mistake, fellas. You're Joe Davis's boy. I don't like for nobody to draw a beat. I know all about you. And the reason to be here. But I know about you too, Doc. That's your mark around. Get good. Get good, please. That's my mistake, fellas. You're Joe Davis's boy. I don't like for nobody to draw a beat on. I know all about you. And the reason to be here. But I know about you too, Doc. That's your mark around.